Salut à toutes et à tous, bienvenue pour On va se marrer, spécial Festival d'Avignon. Et c'est un copain qui est avec nous aujourd'hui, Patrick Chanfray. Vous le retrouvez tous les soirs au Palace à 20h45, dans la grosse émission bien sûr sur Comédie Plus. Et tout de suite dans On va se marrer. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine. À poil. Avec à ma droite des permanents de l'émission, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, Bob du club. Salut les filles. Le spécialiste de la blague foirée, Maurice. Salut à tous. Bientôt son grand retour sur scène. Ah oui, j'ai une précision là-dessus. Ah. Ce sera à la prison de la santé. Ah. Oui, parce que je vais te tuer si tu continues. Frédéric Coster. Un nouvel habitué qui maintenant vient toutes les semaines. Un ancien de l'émission. On en parlait avant, juste avant, mais on vous dira pourquoi. C'est Fabrice. Ah, c'est moi. L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Oui. C'est pas Davy qu'il faut huer. Et animé par Philippe Bello. Oh, ouh, une excellente émission. Alors, cher Frédéric. Cher Philippe. Comme chaque semaine, oui, tu as convié un invité, oui, à ce traquenard. Et, bon, cette semaine, il faut vous dire un petit peu les coulisses de l'émission. Oui, ah non. Ah non. Déjà les premiers coulisses, donc tu viens de cracher, je sais pas quoi, là, c'est quoi? J'ai failli craquer ma chips, pas mon curly. Et puis la crachée, je croyais que t'en mangeais plus. La dernière fois, t'as dit j'en mange plus. Oui, mais tout va mieux. Ah. Donc, d'habitude, on reçoit des gens que j'apprécie. Ah. Et là, je dois dire que cette semaine, j'ai fait un effort. Oui. Enfin, les auditeurs le connaissent, il est déjà venu plusieurs fois. Ah oui. Ah. Il a même remplacé au pied levé une fois Bob du club qui avait oublié de venir. Pas du tout. Tu vois ce qu'on m'oblige à faire. Il s'agit de monsieur Patrick Chanfray. Ah oui. Bonsoir, merci. Très content qu'il vienne. Merci. Ah, il y a ta petite sœur qui est là. Oui. Non, mais l'émission, tu la connais, donc exactement, j'ai pas beaucoup de surprises là à te dire, puisque ça change pas. Il y a toujours des tournées de blagues, des blagues foirées de Maurice. Comme d'habitude. Voilà, de nombreuses épreuves. Ah, oui, déjà, cette émission est une épreuve. Ah, et la première, ça ne change pas non plus, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis, entre deux mouches qui attaquent Fabrice, il faut baptiser l'équipe adverse. Tu vois, je t'avais dit de changer de déo. Donc, alors, le baptême de l'équipe adverse. Là, c'est important, c'est pour que les auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'émission les points qui sont marqués et bien entendu connaître dès le départ le nom de l'équipe qui va perdre. Alors, justement, l'équipe de Bob et Maurice, est-ce que vous avez une idée de nom? Ah, pour un, bien sûr. Ah, les pains frais. Ah, voilà. Ah, d'accord. Oh là là. Les pains frais, oui. Mais moi, pour eux, je dirais peut-être les rassis, ça te va. Eh ben, ça va être quelque chose. C'est très pain ce soir. Voici les rassis face aux pains frais avec leur première question. Autour de cette table, tout le monde connaît la Grèce. Oui. Certains plus que d'autres, voilà. Effectivement. Donc, une question à laquelle Maurice va pouvoir répondre très rapidement. Pourquoi moi? À quel dieu étaient dédiés les... Zeus. Ah, j'ai pas fini. Les représentations théâtrales en Grèce. Ricky Martin. Non, ça c'était en boîte de nuit. Ah, pardon. Bah, Zeus. Non. Athéna. Non, ça c'était les Diane. Non. C'est un dieu. C'est un dieu grec. Ah, oui, oui. Apollon. Non. Un dieu grec à qui on dédiait les représentations Nikos théâtrales. Nikos. Alors, il y a Fabrice qui cherche. Hermaphrodite. Cherche non, pas du tout, je suis en train de tweeter en même temps. Ah oui. C'est interactif. Ah oui, bah pour les auditeurs, pas, on dirait. Alors, un dieu qui, pourtant. Que Olympe. Frédéric. Non. Mais Frédéric pourrait. Narcisse. Frédéric non. Pourrait le trouver facilement parce Narcisse. qu'il était fan d'un chanteur Chipster. Qui portait presque le même nom. Ah, tu Carlos. L'aidé. Carlos. Demis Roussos. Oui. Aphrodite. Non. Ah oui, Aphrodite Chai. Si vous dites Demis Roussos, ça vous fait pas penser à un nom d'un dieu grec? Héphaïstos, Démosthène? Non. Mais non. Oui, ça commence par un D. Ça commence par un gay. Par un gay. Un D. Excusez-moi. Non, oui, c'est grec, c'est un dieu grec. Do quelque chose. Darling. Dionysos. Dionysos. Non. Ça, ouais. Bob, on te précise que Darling, c'est le nom d'un dieu indonésien. Ah oui, c'est vrai. Puisque c'est le surnom de la femme de notre ami Gégé, qu'il surnomme Darling et qui est indonésienne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, évidemment. Voilà. Premier point pour les pains frais, ça c'est pas mal. Merci. Félicitations Patrick. Hein, merci. Heureusement que t'étais là. Hein. Oui, je me suis dit. Alors moi je propose quand même pour commencer l'émission, la première petite blague d'un auditeur. Tu sais que ça ne change pas, les auditeurs envoient toujours des blagues à Maurice. Maurice, petite blague d'un auditeur. C'est marrant, c'est le seul type avec qui on rigole après la blague, mais surtout mais avant. Alors, dis-nous, de quel auditeur, cher Patrick Chanfray, auditeur, de quel auditeur? L'auditeur, c'est Connard Lang. Celui-là, il t'a bien choisi. Oui, oui. Pourquoi les souris titillent? Parce que les ratatouilles. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah non, elle est bien faite en plus. Elle est bien, ouais. Ah non, non, là. Elle est bien. Non. Parce qu'il n'a pas toujours eu autant de chance avec les souris. Ma chère Odile. Maintenant, c'est ma chère Odile. Ah oui. Que dit une souris ou ils sont deux, non? Ah bah, on sait pas. C'est toi qui racontes l'histoire, hein, Maurice. Et qu'est-ce qu'elles disent, alors? C'est ma chère Odile. Oui. Ces deux souris qui se rencontrent. Je sais pas. Il y en a une qui dit. Il est en freestyle, là. Il est en total freestyle. Je la connais pas, moi, celle-là. Il y en a une qui dit. Ah, c'est une nouvelle blague, celle-là. Moi, je la connais pas, là. J'ai Internet dans ma ruche. Et pourquoi les souris? Oh là là. Oui, arrête, parce que... C'est lui qui souffre. C'est deux souris. Mais non, c'est pas deux souris. On vient de te dire pourquoi les pourquoi, souris... Pourquoi, couper. Alors. Non, coupez pas, continue. Ma chère Odile, pourquoi les souris font ni... Non. Elles font rien. Bah déjà, regarde-moi. Oui. Te laisse pas faire, Odile, te laisse pas faire. Vas-y, gronde-le, Odile. Hein, elles font rien. Je répondrai pas à ta question. Pourquoi? Allez, pourquoi? Ma chère Odile, pourquoi les souris ni... Ah! Parce que les rats, gna gna. Oh! Voilà. Quel talent. Et encore, il y a eu pire. Hein. Oui, oh, bon, on en a des souris, des versions de souris, il y en a des dizaines. Mais Patrick, maintenant, on va voir si on est capable de faire mieux que Maurice. Ah. Car juste après cette courte pause, ça sera la première tournée de blagues. Enfin. Donc faites-les chauffer, on revient avec Patrick Chanfray. Ouais. Retour, on va se marrer avec Patrick Chanfray. Ouais. Patrick, tous les soirs à 20h45 au Théâtre Le Palace pendant tout le Festival d'Avignon. Alors, on t'a vu dans quoi déjà? Rappelle-nous un petit peu les chefs-d'œuvre dans lesquels on t'a vu. Exactement, bah, dans différents costumes. Alors, dis-nous. Vas-y, on va essayer de se rappeler. Vas-y. Moi, je l'ai vu dans La Partouze. Exactement. Ah, c'est vrai. Qui est une pièce de théâtre. Oui, on t'avait vu dans La Partouze, c'est vrai. Exactement. Avec un très bon casting. Oui, voilà, je sais pas, exactement. Avec très beau comédien. Voilà, je jouais avec le fantastique Frédéric Coster. Ah, c'est vrai. Charles Brady, avec Rémi Deval. Céline Laudet. C'est bien. C'est vrai qu'on s'était bien marré. Hein. On s'est surtout marré quand Maurice a dû remonter la pente du théâtre. Hein, parce que, la pente était raide. Ouais. Ouais. Bah, le théâtre a fermé depuis. C'est vrai. À cause de Fred. Non, à cause de l'hygiène qui est passée. Alors. Ensuite. Il y a eu La Partouze. Il y a eu quoi donc? Ah, il y a eu mon spectacle, mon one man. Ben oui, c'est la première fois. Patrick a été dans nos premiers invités. On va se marrer. C'est vrai. Ouais. Comme quoi. Et c'est... Ah oui, comme quoi ça reste. Hein, tu vois, c'est et alors là, donc. Et il est venu aussi pour un apéro presque parfait. Voilà, exactement. C'est vrai. Ah oui, ouais. Tu étais venu avec Cyril Rosic. Cyril Rosic, quoi, qui joue maintenant dans Les Colocataires. Dans Les Colocs, pardon. On est paré pour démarrer cette nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, dans On va se marrer, c'est l'heure de la tournée. la tournée de blagues. Maurice, t'es prêt? La blague de Maurice vous est présentée par la maison de retraite des Trois Poussins. Maison de retraite des Trois Poussins, la maison où on finit bien. Nous on s'en lasse pas. Ah, j'espère qu'on finit pas les pieds en avant surtout. Ah bah comment veux-tu autrement? Bah, comme toutes les autres. Hein. Dans un bal, un monsieur dit à une jeune fille, mademoiselle, comme les danses me semblent courtes avec vous. Bien sûr, répond la fille, le chef d'orchestre c'est mon fiancé. Oh, oh. Bravo. Donc elle date du temps où il y avait encore des orchestres. Non, tu veux un jingle bas ou quoi? Non, je peux. Il est tellement vieux que certains l'appellent le crétin du Crétacé. Voici la blague de Bob. D'accord. Bien. Alors les chercheurs se révèlent à la conclusion suivante. Oh là là, oh là, là, après, oh là, là. Recolle non, le dentier. Non, là, on n'a pas compris là. Recolle après 10 ans de non, vie. Non, reprends commune, au début, recolle le dentier. Après 10 ans. Non, mais le début que tu as commencé. Les... Bon, les chercheurs sont donc arrivés à la conclusion suivante. Ah, conclusion. Conclusion, oui. Après 10 ans de vie commune, les femmes sont atteintes du syndrome de l'aspirateur. Mmh. Oui. Elles font beaucoup de bruit et ne sucent plus. Ah. Non, riez parce que je vexe. Alors, c'est Moshé, Moshé, mon ami Moshé, qui arrive dans un magasin de pompes funèbres et qui demande « Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh ben voilà, je vous explique, c'est très simple. « Ma femme est morte et je dois lui trouver un cercueil. » « Mais vous n'aviez pas déjà perdu votre femme l'année dernière ?»« Ah si, malheureusement, mais depuis je me suis remarié. »« Ah bon, mais je savais pas, Mazel Tov !» Une petite devinette. Monsieur et madame, sa voiture le gars ont un fils, comment s'appelle-t-il? Sa voiture le gars, comment s'appelle-t-il leur fils? Igor. Igor, sa voiture le gars. Bon, la blague de Patrick Chanfre. Ah, effectivement, bah, pour rester dans un thème un peu alcoolique. Hein, c'est ça, c'est le docteur qui vient de finir l'examen de son patient et qui dit, bah, écoutez, je vois pas bien le, quel est votre problème finalement. Pour être franc avec vous, je pense que c'est dû à l'excès d'alcool, tout simplement. Mmh. T'as le patient qui, ah bah, dans ce cas, je reviendrai quand vous aurez des saoulés. Bon, Fabrice. Alors, la différence entre le sexe et le bridge, question. Ah, c'est pour Bob, ça. Ah oui, Bob est spécialiste du bridge. Du bridge. On parle pas des dents. Non, le jeu. Oui. En fait, aucune. Hein. Dans les deux cas, il faut soit une bonne main, soit un bon partenaire. Bon, alors, pour finir en beauté, une petite roulette russe. Ah, oui. Mais toujours pas de balle. Ah oui, ça je t'ai entendu la semaine dernière. Hein. Personne ne l'a entendu parce qu'il le fait. En fait, Fabrice fait des blagues qu'on n'entend pas quand on est en direct. On peut dire des blagues incognito. Voilà. Exactement. Alors quand on est en direct, on les entend pas. Par contre, à la diffusion, quand il y a des rediffusions ou sur le podcast, on se rend compte qu'il dit plein de saloperies. Et la semaine dernière, quand j'ai lancé la roulette russe, Fabrice a dit discrètement, tu peux la refaire. Oh, vas-y, tu fais bien. Mais non, il a dit très discrètement, il a dit dommage qu'il n'y ait pas de balle. Salaud. Donc la roulette russe, le principe, c'est qu'on te donne des mots. Et on met une balle. Qui correspondent à des blagues fétiches de Maurice. D'accord. Tu dis stop quand tu veux et automatiquement. Instantanément. Sans ses notes. Maurice, sans changer lui. J'allais dire. Maurice te raconte sa blague. Ah. Tu es prêt? J'ai jamais été autant prêt pour quelque chose. Alors, là, top roulette russe. Perchiste. E.T. l'extraterrestre. Clocher. Maya l'abeille. Trois poussins. Skieur juif. Un skieur juif. Attends. Ah, oh, bah, elle a un succès. Elle a un succès, cette blague. Elle est vraiment choisie souvent, celle-là. C'est pour mon copain Joe Brami. Alors, Maurice, la blague des skieurs juifs. Exactement. Ah oui, mon cher Patrick, quelle est la différence entre... Non, il n'y a pas de différence. Mon cher Patrick, c'est deux... Ah non, c'est pas les perchistes, là. Non. Oh là là. Non, c'est des... C'est deux skieurs juifs qui descendent une piste et qui se rencontrent. Tu parles à qui, là? Mon cher Patrick, c'est mon deux cher skieurs... Perchiste. Non. Mon cher Patrick, oui. C'est deux skieurs juifs qui se rencontrent sur une piste. Oui. Ils se croisent et il y en a un qui dit à l'autre, Shalom. Non. Non. C'est les skieurs juifs. Juifs. Ah. Donc ils disent Shalom. Ah bah. Eh oui, bon ben. Parce que shalom, ça veut rien dire. Bon, dans quelques instants, ça sera une nouvelle épreuve, et celle-ci, c'est une épreuve à points, puisque c'est l'épreuve du trivial. Ah, ah. Donc restez fameuse. Avec nous, on revient la avec Patrick Chanfray. Ouais. À tout de suite. Retour, on va se marrer avec Patrick Chanfray. Ah ouais, ouais. Bon alors, une épreuve importante, oui. C'est une épreuve sur laquelle il y a des points à marquer, c'est l'épreuve oui. du trivial. Oui. Alors par contre, je précise une chose importante Patrick, oui. c'est que c'est comme d'habitude, il y a une carte par équipe, d'accord. six questions par carte, attends, le but du jeu Philippe. Étant de répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Exactement, vous avez tout compris. Si vous savez répondre sans vous consulter, vous dites cash, vous donnez la réponse et c'est deux points. Tu dis cash et tu vas te cacher. Bob la une yes. ou la à la une direct. On remarque que t'as eu le temps de la regarder tout à l'heure. Alors c'est parti pour la une. Quel était le prénom de Khrouchtchev? Nikita. Cash Nikita. Nikita. Un deux points. Maurice aurait pu faire un cash. Oui, Nikita, bah oui, mais oui, tu oui, pouvais faire un cash. Non, mais... Quel personnage de Kipling, orphelin d'un sergent irlandais, fait de l'espionnage au Tibet? C'est Tintin, ça, sacré non Tintin, ouais. Le cash, cash. Mais non, c'est pas Tintin. Tintin, c'est Hergé, pauvre. C'est pas Kipling. C'est pas. C'est dommage qu'il ait pas fait un cash. Oui, ça aurait été marrant. Non. Alors, quel personnage de Kipling, orphelin d'un sergent irlandais, fait de l'espionnage au Tibet? Si vous ne savez pas, vous pouvez pas non, trouver. Non, je sais pas. Non. Moi non plus. Je me souviens pas. Alors, est-ce que... L'équipe des ports non. frais connaît non, moi la je réponse. Pas. Je sais pas. Je sais pas. Le personnage de Kipling, je connais que Mowgli. Oui, le livre de la jungle, oui. Qu'on voit de moins en moins. Ouais. C'est mais dommage. Mais c'est pas d'espionnage, Mowgli. Non. Non. Non. Alors c'était Kim. Ah, ah ouais. Et oui, je voulais revenir sur Khrouchtchev. Sa femme disait qu'il était très chou. Pourquoi? Qu'il était très quoi? Très chou. Très chou. D'accord. Chou Khrouchtchev. Oh, oh là là! A chambé une étoile sur billet réduit. Quel président sud-africain a fait libérer Nelson Mandela? Un indice, c'est celui qui a fait. C'est un noir, hein? Ouais. Non. Non, non, justement, non. Pourquoi tu ris? Parce que bah, c'est la réponse de Maurice. Cash, de Clercq. Correct. Il avait un très joli prénom. Oui. C'était quoi? Evelyne. Frédéric. Ah, c'est Frédéric. À quel genre cinématographique appartenait le film Exhibition de Jean-François Davy? Oh ben, cash pornographique. Alors ça, ah, ça, dès qu'il y a du poil et du nibar, tu connais. Hein. Quelle innovation à partir des années 70 a mis les marchands de couvertures dans de beaux draps? Quelle innovation à partir des années 70 a mis les marchands de couverture dans de beaux draps? Ah, cache la couette. Correct. Et enfin, putain là ça, ça assure hein. Combien de chambres y a-t-il à l'hôtel Drouot à Paris? De chambres. Je répète la question. Combien de chambres y a-t-il à l'hôtel Drouot à Paris? Au Sofitel, je sais, mais alors. Oui. Si vous avez, un doute, vous pouvez vous consulter. Au Sofitel de New York, elle a au moins 2800. Ouais. Oui. On ne sait pas, de toute façon. Maurice, est-ce que tu le vois, l'hôtel Drouot? Est-ce que. Maurice, Maurice va dire non, non, mais attends. Non, si, parce que Maurice voyage beaucoup dans Paris. Oui, oui. Est-ce que tu le vois, l'hôtel Drouot? D'ici. Bon. D'ici, Maurice. À ton avis, en le voyant comme ça, il y a combien de chambres? D'ici, oh. Oh, allez. Moi je dirais 100. Voilà, il a dit cash 100. Non. Aucune. Aucune. Bah oui, bah pourquoi oui, c'est pas un hôtel, c'est un hôtel des ventes. Ah oui, c'est un hôtel des ventes. Ah oui, oui. Non mais je pensais qu'il y avait un hôtel avec. Ah oui. Il y a une boîte à côté aussi. C'est le boum boum, oui, mais c'est une boîte échangiste. Non, non, qui s'appelle le. Comment. Qui a le mot de Drouot aussi. Ouais. Jean-Claude. Le Golf Drouot. Le Golf Drouot. C'était pas du tout là. Oui. Ah non, c'est pas là. Non. Non. Ouais, par contre, Maurice met 100 chambres à l'hôtel Drouot, lui. Hein. Oui. Non, j'ai réservé à l'hôtel de ville, moi. Donc. Alors, à l'issue de cette première carte. On est pas mal, quand même. Ah, non, là, oui, là, là, alors oui. Là, 8 points. C'est une catastrophe. Pour voir que Bob avait quand même eu le temps de regarder pendant 20 minutes la carte, c'est quand même pas mal. C'est quand même... 8. C'est non, mais c'est vrai. C'est quand même beau. Ouais. 2 points pour vous. Ah non, un seul sur la carte, mais il y en avait déjà un marqué avant. Ça veut dire qu'on va prendre la deuxième carte juste après cette courte pause. Il y a intérêt. Vous êtes prêt, Patrick? Ah, comme une fois de plus. On compte sur toi pour faire un cash. J'en ai bien l'impression. Tendu comme un string. Alors, vous restez avec nous. On revient avec Patrick Chanfray. Il y a un côté Chantal Goya. Oui. Retour au Basse-Marée. On parlait en antenne juste avant de prendre l'antenne avec Patrick Chanfray de celui qui l'a inspiré dans la vie, des émissions de télévision et de celui qui l'a inspiré, donc Guilux. Guilux, ouais. Hey Coco. Voilà. C'est extraordinaire. Moi non plus, je suis comme Fred, moi je suis un piètre imitateur. Fumier. Ah non, Fred est un excellent imitateur. C'est pour ça que je me permets. Que je fais plus d'imitation. Ça manque quand même. Ah ben on va réécrire. Mais il faudrait appeler William Clank plutôt. Eh ben on va l'appeler aussi, qui est un très bon imitateur. Alors la deuxième carte est là, hein, Patrick. C'est votre carte. Là les points doivent être marqués puisque vous êtes mené pour l'instant. Et c'est parti. Quelle star figure sur la couverture du livre d'Edgar Morin, Les Stars, dans la collection Point Seuil? Edgar Morin, rien à voir avec Christian Morin. Non, non. Quelle star? Exactement. Donc au singulier, hein, c'est pas en pluriel, il n'y en a qu'une. Figure sur la couverture du livre d'Edgar Morin, Les Stars, dans la collection Point Seuil. Morin, le prêtre. Moi je dirais, autre drôle. Moi je dirais Marilyn Monroe, hasard. Allez. Moi, je voulais dire la Compagnie Créole, mais je pense que t'as plus raison. Ah, bah, non, justement, bah, alors on regardait hier Télémélodie. Au bal masqué, ohé, ohé. On danse au bal masqué. Voilà, ils sont tous là. Je ne peux pas m'arrêter, ohé, ohé. Bon, alors, Marilyn Monroe. Oui, parce que. Correct. Là, il y a une nouvelle pub pour la Compagnie Créole. Ah oui. C'est un album avec plein de duos. Ouais. Mais on n'entend pas les duos, on entend que les chansons. Alors, quelle femme a fondé aux côtés de Claude Simon, Michel Butor et Alain Robbe-Grillet l'école du nouveau roman? Cache Nathalie Sarraute. Correct. Elle est de la famille. Une autre question, c'est la maman de Claude Sarraute. Ah, c'est la maman de Claude. D'accord. Ah, c'était. Qui représentait la France à l'Eurovision? À la conférence de Yalta. Yalta. Moi je dirais cash personne. Ah, tu fais un cash. Si. Tu fais un cash. Tu fais un cash sans consulter. Exactement. Ben, c'est un peu le système du cash. Hein. Personne. Yalta. Non, il y avait pas la France. Correct. Oui. Il y avait pas la France. Mais non, justement, De Gaulle était vexé comme un pou de pas avoir été associé à. Une petite imitation de De Gaulle. Non, l'imitation d'un pou plutôt. Oui, bonsoir. Alors je vais vous faire l'imitation d'un pou. Quel fameux pont de New York figure sur l'affiche du film Il était une fois en Amérique? Ah oui. Et des ponts à New York, il y en a plusieurs. Ah bah il y en a, oui. Il y en a 4. Si je connaissais le pont. Café sauter le pont, effectivement. Le bouton rouge sur le fer. Alors, j'en ai qu'un qui me vient, c'est le pont de Verrazzano. Moi, le pont de la rivière Kouai. Mais il était pas là. Pont d'Avignon. Voilà. Parce qu'il y a le Sun Bridge, non? Le bridge. Encore un bridge? Ouais. Encore. Là, il y a le Sun Deck. Oui. Alors, là, c'est un deck. Un deck normal. Ouais. Mais je dirais le pont de Verrazzano. Je ne sais pas. Bah, écoute, comme ça, ça sonne bien. Il existe. Mais d'où est l'accent? C'est un petit accent, le pont de Verrazzano. C'est pas ça. Yes, I can't understand. Verrazzano. Oh, yes. Non. Non. Brooklyn. It is not correct. Le pont de Brooklyn. Yes, it's correct. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Bien sûr. Mais c'est le pont de Verrazzano, le pont de Brooklyn. Ah, non. Il a été renommé. outre toi-même, Pierre et Marie Curie. Oui. Oui. Quel autre couple de savants français oui. s'est partagé un prix Nobel? David et Cathy Guetta. J'ai pas dit cash. Pardon. Il faut qu'il revienne. Bah, il revient. Eh mais c'est vrai. Il n'est pas parti encore. Non. Alors, une autre idée peut-être. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. On va tous les faire. Hein. Robert Castel et Lucette Sahuquet. Des savants français. Ah. Ah. Donc il y a eu 4. Chevalier et Las Palès. Ça, c'est vous qui voyez. Donc pas d'idée. Monsieur et Madame Joliot-Curie. Correct. Eh oui, exactement. Irène et Frédéric Joliot-Curie. Ah bah tu vois, mais c'est parce que tout ce qui est Frédéric, je connais. Quel nom? Mais pas les prix Nobel. Quel nom la firme Jaguar a-t-elle donné à la série spéciale? Alors, je dis. Déjà, il comprend pas la question. De XJS V12, célébrant la victoire de la marque au Mans en 1990. Alors, c'est Patrick les bagnoles, c'est toi. Oui, Patrick les bagnoles, merde. Effectivement, c'est parce pour que ça justement, que puisque t'as un scooter. Voilà, c'est pour dire si j'en connais un rayon. Non, le rayon, c'est les vélos. Donc, je les confonds tout le temps. Ils ont fêté la victoire du Mans en 90, la marque Jaguar. Bah, ils l'ont appelé la Riette. Ils l'ont appelé comment? La mutuelle. En honneur de cette victoire. Stevie Boulet. Quoi? Stevie Boulet. On a un autre qui a un boulet. Bon, on va dire qu'on sait pas. Ouais, hein. On va dire qu'on sait pas parce que là, moi, dis un truc au hasard, tu vas gagner. Bah oui, dis un truc au hasard. Quoi bah oui. Twingo, la Twingo GTI. Voilà. C'est, oui. C'est... Twingo. Non. Moi, j'en ai qu'une que je connais, c'est la type E. Non, c'était la Le Mans. Ah, oh là. Oui. D'accord. Ah, oui. Avec la Riette, c'était pas loin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bob, pour l'instant, rattrapé, hein. Vous menez. Oui, on mène. Pour l'instant, il mène. Il mène à chaque instant. Puisque vous avez l'air bien en forme. Ah oui. Oui. Mais en forme de quoi? Je propose une petite tournée. Hein. Ah bon? Ah bah c'est l'heure. À boire. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Momo. Alors, comment appelle-t-on un rassemblement d'aveugles? Je sais pas. Le Festival de Cannes. Oh. Alors c'est malin. Oh, ça c'est malin. 1h du matin. Tout éteint. Sur un trottoir. Je recommence, oui. 1h du matin sur un trottoir. Un type complètement ivre essaye de faire entrer sa clé dans un réverbère. Oui. Un agent de police qui passe par là, s'approche et lui dit « N'insistez pas, monsieur, personne n'habite ici. Hein. Regarde, il y a de la lumière au premier. » Alors, j'en fais une que normalement on devrait faire GG, mais là, est-ce que vous savez comment on fait sortir un bébé d'un mixeur avec une paille? Envoyez des lettres, envoyez des lettres. Non, envoyez des tomates, là, carrément. C'est Brigitte qui envoie un SMS à son chéri. Ah. Mon chéri, tu es parti au travail en oubliant ton téléphone portable. Ça y est, ça vient d'arriver. Mais elle est con, hein, un peu. Brigitte, elle est très... Il y a d'autres aventures de Brigitte tout à l'heure. Alors, Fabrice. Alors, ça se passe dans un restaurant. Il y a un garçon qui demande à son client, alors, vous avez trouvé comment le beefsteak? Bah, tout à fait par hasard, en soulevant une frite. Et la blague de Patrick Chanfray. Effectivement. Allez, freestyle, Patrick, freestyle. C'est vrai en plus. Ah. Ça fait 17 ans, moi, que je suis avec ma copine et je l'ai dit l'autre jour. Avec Pupus. Et je l'ai dit l'autre jour à mon pote Joe Brami. Et je lui ai dit, t'imagines, moi, ça fait 17 ans que je suis avec la même femme et j'aime toujours la même femme. Il m'a dit ouais mais le jour où elle va où ta femme va la prendre, à mon avis tu vas prendre vraiment quelque chose. Pourvu qu'elle n'écoute pas la redite. Alors ça sera répété une fois de plus. Dans quelques instants, une nouvelle épreuve vous attend. Ah, tu vas chanter ? Presque, mais je ne vous en dis pas plus. Vous allez rester avec nous et on va revenir avec Patrick Chanfray. Rendez l'antenne. Retourne, on va se marrer avec Patrick Chanfray. Ah oui. Patrick, tous les soirs à 20h45 au théâtre Le Palace pendant tout le festival d'Avignon. Pourquoi tu bailles? Non mais c'est vrai. Patrick Chanfray fait sa promo et il y a Frédéric Oster qui baille. Alors c'est totalement faux. C'est vrai. Alors c'est vrai. On est à la radio, les auditeurs voient pas. C'est totalement faux. C'est un mélange de baille et de bave. Tu baives. Mais viens avec moi, tu kifferas la baive. Laisse-moi kiffer la baive avec mon mec. Alors est-ce que je sais que tu évidemment tu vas voir des pièces d'autres camarades. Interview François Chalet. Exactement. D'autres camarades. Est-ce que justement tu aurais à nous recommander des pièces ou des one man que tu as vu récemment? Et qu'on aurait raté. Mais alors, il va pas faire la pub pour les autres, non? Mais il a le droit. Je vais faire la pub pour deux pièces. Ah. Une qui s'appelle La Guerre des Sexes. Ah. C'est de Scalp. Et dedans, il y a mon copain Joe Brami qui joue. D'accord. Avec qui on est en train de préparer un petit quelque chose. C'est pour ça qu'on viendra ici. Moi, j'essaye de faire des spectacles que pour venir dans cette émission. Ah bah ça nous arrange. Tu es ici chez toi. Tu reviens. Donc voilà, la guerre quand des sexes, tu veux. La guerre des sexes, ça se joue pratiquement tous les jours. C'est-à-dire, c'est à celui qui a le plus grand. Plus ou moins. D'accord. c'est une comédie de couple. C'est très très drôle et c'est servi par des comédiens excellents. Joe Brami, pour ne citer que lui. Dans cette pièce, il y avait pas Joe Brami aussi. Il y a tout le temps. Il y a tout le temps une fille. Ah oui, il y a Joe Brami. Non mais il y a souvent Aurélie Noblesse. Voilà, ah. c'est les deux que je connais le plus et qui et Maurice dans la pièce, il y a qui? Joe Brami. C'est pour voir si. Et l'autre pièce, c'est une pièce de filles. C'est trois filles qui s'appellent. Enfin, la pièce s'appelle. Ça va t'intéresser, ça, Bob. Hein. Exactement. Oui, oui. Ça s'appelle Complètement Givré. Et c'est de l'humour noir. Et c'est très, très drôle. Et c'est des très bonnes comédiennes. Et elles sont dynamiques. Voilà. Ça change de toutes les pièces de Sur les trains, sur les couples, on en a marre. Alors attends, je vais prendre des notes. Hein. C'est un peu tard, hein, tu réécouteras l'article. Les Givrés, c'est au théâtre d'Edgar. Trois filles. Voilà. Et l'autre, c'est. On dirait que tu prends une commande, Bob. Trois filles, à quelle heure voilà. Alors je sais pas à quelle suite heure c'est. 28-06, Sofitel, New York. Et l'autre Et l'autre, c'est La Guerre des Sexes, la Comédie République. Mais c'est vrai qu'actuellement, si on a envie de passer une bonne soirée et de rigoler, on a quand même le choix entre toutes les pièces, et notamment aussi au Blanc Manteau, parce qu'il y a une programmation au Blanc Manteau très, très riche, hein, plein de pièces, hein, plein de one-man, plein de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses. Je vous propose une petite épreuve. Oui. Bah nous, on est prêts, c'est là, quand tu veux. C'est d'attendre dans un premier temps. C'est l'épreuve de la main-pense. Ah oui. J'essaie de vous faire trouver, en l'occurrence, un personnage. Oui. En vous donnant des informations par coup de 10 secondes. Stéphanie 10 secondes, vous ne savez pas, la main passe à l'équipe adverse, etc. Et c'est bien entendu la première équipe qui trouve la réponse, qui marque le point. Nous sommes bien d'accord, c'est pour un personnage. Nous allons faire commencer l'équipe qui est menée, donc la vôtre, les Pamfray, avec ces 10 secondes d'informations importantes. Importantes. Top. Je suis né le 30 octobre 1962 à Clamecy, dans la Nièvre. Je suis le fils d'un fonctionnaire des impôts et d'une universitaire, professeur d'espagnol et essayiste. Donc c'est quelqu'un qui, à l'heure où nous enregistrons, à 50 ans. À 21h, bah oui, à cette heure-là, tu veux dire. Oui. Une idée? Non. Aucune. La main... Moi, je croyais que tu parlais de toi, Philippe. Non, je me suis dit, 62, t'es gentil. 62, t'es gentil. Oui, Frédéric Coster, on va vous faire une bonne promo pour la. Alors là, ça va bien. Bob, prêt? Yes. Top. Donc je vous disais, professeur d'espagnol essayiste, top. Issu par son père, Kermiche Ould Kadi, d'une famille de Walis de l'Algérie française et d'une mère normande. Habitant de Fixin, en Côte du Nord, j'étudie... On ne sait toujours pas ce qu'elle fait. Maurice, oui, t'avais une idée, hein. Non, mais. Une idée. Qu'est-ce que t'as dit, Maurice? Si, il a barbouillé un truc, j'ai pas entendu. Lady Gaga. Une femme célèbre. Je sais pas ce qu'il a dit. Il a barbouillé un truc, mais on n'a pas compris. Oui, baragouiné, tu voulais dire. Oui, c'est pareil. J'ai soufflé dans le micro. Ah, voilà. Quelle année elle est née, t'as dit? 62? Voilà. En plus, Maurice, ah oui, elle a 60 ans. Maurice n'aime pas les baragouines, en plus. Pas d'idée? Je sais pas. La main repasse. Ah, je sais pas. Donc, je vous disais, habitant de Fixin en Côte du Nord, top, j'étudie au collège Marcel Pardet à Dijon, puis au lycée Stéphane Liégard à Brochon, avant d'étudier le droit en 1980 à l'université de Dijon. C'est à cette époque que je milite. Donc, c'est un politique. Ah, j'ai pas dit. C'est moi. Je n'ai pas dit pour l'instant. Que je milite. Quelqu'un qui aurait 50 ans, qui est né dans le Nord. Non, 60 ans, 62. Ah non. On est en 2012. Oui. Ça fait 60. D'accord. Bob, ça fait 50. Calcul. Ah oui, ça fait 40 et 10. Oh là là. On va mettre là, des comptables sur le ça coup. Va aller, ça va aller, ça va aller. J'étais comptable. Enfin, j'allais jusqu'à la Bob du club, c'est à la banque américaine là, comment elle s'appelait? Barclays. Lehman Brothers. Lehman Brothers. C'est Bob du club, c'est pas son vrai nom, il a été obligé de changer. Alors, oui, votre réponse. Bah oui, notre réponse. Les enfants me lancent des pierres. Danny Boone. Vous n'avez pas d'idée, c'est incroyable. Non. Bah non, c'est la main repasse. Ouais. Donc, je vous disais, c'est à cette époque que je milite, top, au sein de l'Union nationale des étudiants de France et adhère au Parti socialiste. Je poursuis mes études à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'obtiens une licence de droit, puis à l'Institut d'études politiques de Paris. 60 Martine ans. Aubry. Ah non, ah, non, bah non, elle est plus vieille que ça, Martine Aubry. Enfin, en tout cas, elle fait plus, effectivement. Oui. C'est sûr. Son père n'est pas algérien. Oui. Ah. Aussi. Ah, qu'est-ce que vous en savez? Bah, Jacques Delors. Ah, bah oui, c'est vrai. Et c'est, mais si, bah, ça peut être Jacques Delors. Exactement, c'est Ben Delors, peut-être. En plus, c'est de la région de Maurice, alors mais ça. Non, ça. Quoi, ben non? Dijon. Oui, non, mais moi, je ne suis pas dijonnais. T'es d'où? Je suis de Paris. Non, non, on disait t'es doux. Enfin, t'es vraiment doux. C'est vraiment... Merci. Ça dépend dans quel sens tu crosses. Hein. Ou l'avez avec Myrlène. Alors, une idée. Non, on n'a pas d'idée. Non. La main repasse. Top. Mais non, c'est une fille. Je tente le concours d'entrée de l'ENA, auquel j'échoue. Un peu avant mon service national, j'adhère au club fabusien Espace 89, oh là là. Oh là là. Espace 89, animé par Thierry Mandon. Mandon. Mais c'est Mandon ton chemin. Bah, Mélenchon. Il aurait que 50 ans, Mélenchon. Oui. Ah, il est pas. Ah, moi je peux pas dire, je sais pas. Ah mais ouais, il y a un truc avec l'Afrique du Nord peut-être. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Bah, allez, on teste. Mélenchon. La main repasse. Ah. Oula. Top. Je fais mon service militaire au sein de la classe 85-12 du 120e régiment du train à Fontainebleau de décembre 85 à décembre 86. Puis je suis Harlem Désir. La main Re, mais on va y passer la nuit, c'est pas possible. Top. En 97, j'épouse à la veille du second tour des élections législatives en l'abbaye cistérienne de Valmagne, Hortense de Labrif. Je te vois que ça aide. Bah là, voilà. Et là, c'est d'accord. Socialiste. Oui. Hortense Labrif, oui, autant dire qu'il y en a beaucoup dans les socialistes et comme ça. C'est pas la rose d'habitude? Plutôt que Labrif? Non, l'Hortense. L'Hortense. Ah, pardon. Alors, Hortense de Labrif. J'en sais rien. Moscovici. Labrif? La main repasse. Qui est l'ancêtre de Labrif. Ah oui, donc on sait maintenant que c'est un garçon. Bah oui. Hey. Parce que... Top. Début 2010, la presse People révèle mon concubinage avec la journaliste Audrey Pulvar. Oh. Présentatrice sur une chaîne d'infos en continu télé. Montebourg. Montebourg. Bonne réponse de Maurice. Tu veux dire qu'il est divorcé? Eh oui. Quelle horreur. Il est divorcé, et oui. Alors, et sa ancienne compagne était collaboratrice d'Edouard Balladur. Oh, merde. Voilà. et elle est aujourd'hui déléguée générale de l'Association des producteurs indépendants du cinéma français et secrétaire générale d'Uniciné. Ah. Oui, quand même. Ah, je pensais qu'elle avait des intérêts dans une dans une fabrique de marinières. Oui, oui, oui. Et il était marié avec une Hortense. Et oui, il était marié avec une Hortense. Bon, alors dans quelques instants, on va revenir. Et en forme, nous allons solliciter Patrick Chanfray pour une petite improvisation. D'accord. Dont Maurice a le secret. Ah. Il aime partager ses impros avec les invités, mais ça, c'est juste après cette courte pause. Ah, nous reprenons l'antenne car il y a un gros problème en studio. Maurice vient de renverser un verre sur ses blagues. Maurice, est-ce qu'on, parce qu'on est en direct là, donc on nous a mis à l'antenne. Maurice, est-ce que tu... je ne sais pas où est-ce qu'il est parti d'ailleurs. Il y a des gens qui se dépêchent. À mon avis, il est parti chercher du sopalin. Non, mais là, je crois qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe, Maurice ? Il y a plus partager quand même aux auditeurs. Ah, excuse-moi, Bob, mais il y a plus gros rouleau. Il y a plus que pour ça qu'il va chercher du sopalin. C'est le con qui a mis le bouchon là. Ah, bah, ouais. Ah ouais. Alors Boris, explique parce que là, je crois que t'as des fans qui sont bien sûr chaque semaine. Ah, il a noyé une mouche. Ah mais oui, il a noyé une mouche. C'est vrai, elle est sur le dos. Enfin la mouche. Attention. On ne parle pas de Maurice. C'est Maurice photographie la mouche. La mouche qui se noie. Maurice, il y a tes fans là qui écoutent l'émission qui s'inquiètent. Attends, Fabrice va la photographier la mouche. Est-ce que tu peux donner des nouvelles à tes fans, Maurice ? De la mouche. Parle dans le micro là devant toi. Dans le micro parce que tes fans s'inquiètent. On est dans la panade. Explique. Mesdames et messieurs, je vous commente actuellement ce qui se passe. Maurice vient de renverser une bouteille de boisson gazeuse sur ses fiches. Il essaye d'éponger avec un sopalin, essuie-tout. Alors, est-ce qu'il va sauver ordinaire. Attention, il est en train de se cramer les moustaches sur le barbecue. Mais que fait un barbecue au milieu de cette scène, mesdames et messieurs? C'est extraordinaire. Non, mais on s'inquiète pour les blagues. Est-ce que les blagues ont été sauvées, Maurice? Oui. Oh merde! Oh merde! Oh là, mais quelle catastrophe! C'est pas possible. Là, cette émission, c'est pas. Mais écoutez, dommage qu'il n'y ait pas les caméras. Fabrice vous met les photos sur Facebook. Oui, vous allez sur Facebook. Voilà, sur Facebook, il y a les photos. Mais Maurice, est-ce que tu peux t'asseoir? Parce que c'est quand même une émission de radio, si tu peux t'asseoir. Bah attends, il éponge! Mais t'en as mis partout, mais qu'est-ce que t'as renversé? Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais enfin bon, c'est pas possible. Alors tiens-nous au courant, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, à un moment, on regardait pas de son côté, à un moment on a entendu « Oh putain !» Bon, on y va? Alors, on est à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, c'est un petit verre qui s'est renversé de jus de fruits. Ouais. Oui. Amélioré. Car Maurice ne boit plus d'alcool. Ah non, il n'y a pas de jus de fruits là. Qu'est-ce que ça serait? Bon alors Maurice, justement, c'est pour ça qu'on s'inquiète parce qu'on avait besoin de toi. Eh oui, parce que je dois faire une blague avec. Oui, Patrick. Voilà. Bloque les roues du fauteuil, frère. C'est-à-dire que là, on dirait un peu la pub Stana, vous savez. Oui, c'est ça. Maurice, sur sa chaise, on dirait la pub Stana. Bientôt, il va se mettre à Calif sur sa chaise. Il essaye de monter. Il va faire le tour de la table. Il essaye de monter au premier. Chers auditeurs, c'est dommage que vous ayez pas les images. Ah oui, là, c'est dommage. Mais il va nous tuer. Ah non, mais je te jure. Bon, alors, en attendant, ça fait 3 minutes 05 qu'on est à l'antenne. Et les auditeurs attendent cette fabuleuse blague promise avant la pause, cette fameuse impro, puisqu'il y a une blague, enfin une des blagues de Maurice qu'on aime bien faire interpréter à nos invités en duo avec Maurice, c'est la fabuleuse blague du sex shop, Maurice étant une fidèle cliente de son sex shop. Donc, la blague du sex shop avec Maurice et Patrick Chanfray. Ouais. Cling, cling, cling, je fais la porte, moi. Cling, cling, cling, ouais. Cling. C'est une porte blindée que t'as fait. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça commence bien. Non, rien que ça nous fait. Je vous ai reconnu. Ah bon? C'est la première fois que je viens dans votre magasin. Oui, ah, ouais. C'est ce qu'elles disent toutes. Oui, oui. Vous l'avez drôlement bien aménagé, quand même. Hein. De qui, vous le magasin? Oui, bien sûr, le magasin. Je voudrais acheter... Je voudrais acheter un Gon Michet, monsieur. Qu'est-ce que vous allez me proposer ? Eh bien, écoutez, on a un peu de tout. Hein, on a vraiment, on a tout. C'est vraiment, on a toutes les tailles, toutes les couleurs. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. Est-ce que vous en avez des phosphorescents, électriques ? Bien sûr, on a différentes tailles aussi. Ah bah oui, ça peut être intéressant. D'accord, et les trois cumulés. On a vraiment quelque chose. C'est de la taille d'un motoculteur. C'est un peu gros quand même. Hein. Tout dépend du pratiquant. Hein, il y a vraiment un peu de tout. Vous fournissez la crème en même temps ? Oui. J'ai mon collègue Frédéric Coster avec qui on avait vu quelques petites crèmes ensemble dans un catalogue. Le lubrifiste. Exactement. Ah bah là, c'était carrément. On pouvait faire rentrer de l'électroménager. Enfin, c'est vraiment. C'était justement quand on préparait la partouze. Exactement. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Et c'est tous les modèles que vous avez sur l'étagère. Exactement. C'est tous ceux que vous me faites voir avec votre petit doigt. Ah oui. J'espère que c'est votre doigt dans un premier temps. Exactement. Exactement. C'est avec ce doigt-là qu'il y a. Et bon, il faudra que je me décide quand même. Ah bah oui. Et vous faites des promotions en même temps ? Alors, on fait des promotions. On fait, et des cartes de fidélité. Bien sûr, avec des points. Alors, alors les points, on les met pas sur la carte. Hein. Ah bon ? Oh la classe. La classe internationale. Bon, on va quand même pas passer son après-midi dans votre magasin, j'ai autre chose à faire. J'ai cru qu'il allait pas passer l'après-midi là-dessus. Exactement. Alors que ce qui fallait, c'est du personnel compétent. Mais qu'est-ce que vous avez à faire d'autre cet après-midi, madame ? Les gens se sont coupés les ongles. Enfin bon, bref. Alors. Et c'est tous les modèles que vous avez là sur l'étagère. Exactement, on a toutes les couleurs, on a mais tout. Mais par contre, là, je vois là sur... Oui, pardon. Ah mais il le joue. Il le joue. Non, mais exacto. Je vois derrière votre comptoir là-bas, ce qui est rouge là-bas derrière le comptoir. Ah d'accord, celui-ci. Ouais, mais celui-ci, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le vendre. Et pourquoi ? Bah, parce que c'est l'extincteur, madame. Alors, on envisage de louer une salle sur Paris pour faire le spectacle de l'extincteur. C'est-à-dire que Maurice, pendant une heure et demie, vous fera le truc autour de l'extincteur. Sur mon fauteuil roulant. Exactement. Voilà ce que ça donne. Hein. Écoutez, c'est quand même pas mal. Hein. Il a quand même des talents d'improvisation, Maurice. C'est dingue. Bon, il la connaît par cœur aussi. Hein. Oui. Faut dire que... Bon, il y a plein d'autres blagues comme ça qu'il connaît par cœur. Et ça me permet de relancer une deuxième roulette russe. Ah. Hein, enfin. Parce que t'as aimé tout à l'heure. J'ai hein. adoré. Alors c'est comme tout à l'heure. T'aimes ça. Des mots que Maurice, des mots qui correspondent à des blagues que Maurice connaît par cœur. C'est parti. Top roulette russe. Ostréiculteur. Merlin l'enchanteur. Star Wars. Zébu. Souris. Clocher. Star Wars, je suis assez curieux. Ah. Alors, j'adore toute la série. Je suis un geek invertébré. Mais alors, c'est surtout la tête qu'a fait Maurice quand il a tenu Star Wars. Quand a lieu le retour... Mon cher Patrick, quand a lieu le retour du Jedi ? Je ne sais pas. C'est mercredi d'ail. Et les didai ? Quand le vendredi et le mercredi ? Voilà. Vendredi. Voilà. Alors fais-la d'un coup à Patrick. Il est con ou il le fait exprès ? Non, il l'a fait exprès là. Oui, il est con quand même. Mon cher Patrick. Voilà. Mon cher Patrick. Moi je vais rentrer, moi. Les enfants ont dû grandir. Quand a lieu le Jedi. Ne t'en vas pas, Frédéric. Me casse, je rentre à pied. Ne saute pas, Frédéric. Ah Mais le retour. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis un peu humide. T'es liquide, oui. Allez, vas-y, Maurice. Quelle est la différence ? Quelle différence ? Mais non, il n'y a pas de différence. On s'excuse. Alors, vas-y. Quand a lieu le retour du Jedi ? Voilà. Le vendredi. Entre quoi ? Allez, entre le mercredi et le vendredi. Bravo, Maurice. Pourtant, la dernière fois, moi je suis désolé, tu l'avais bien fait. Quand est prévu le retour de jeudi ? Le retour du Jedi. Ah, du Jedi. Star Wars. Oui, entre mercredi die et vendredi die. Et puis tu la fous sur un pilier, ça fait Lady Die. Oh là là là. Je sais pas pourquoi je reviens toutes les semaines. C'est ce que tu dois aimer parce que, en fait. Parce que c'est notre vedette. Hein. Tu dois donc, aimer quand même. T'es tellement content de revoir notre vedette. Voilà. Tu sais que je vais en jouer un paquet d'autres de spectacles pour revenir. Et en fait, tu vois, c'est que chaque fois que tu reviens, t'es jamais déçu. Il y a toujours des nouveautés. Mais jamais. Oui, Philippe dit toujours je connais l'émission, mais non en fait. Bon, alors il y a un petit point à marquer. Ah. Mais ah. C'est juste après la pause quand même. Donc on marque cette courte pause et on revient avec Patrick Chanfray. À Paris. Retour au Basse-Marais avec Patrick Chanfray. Ouais. Chaque semaine, dans cette émission, nous confions à Maurice... En un seul mot. Hein. Une photo mystère. Donc quelque chose qui est imprimé sur une photo. Il a eu des choses terribles. Qu'il est obligé. Tu veux dire qu'il est imprimé sur du papier. Sur du papier. Hein, qui lui-même vient de l'arbre. Ou du pétrole. Ah oui, aussi. Des, oui, des tonnes, des millions d'hectolitres. Des millions d'hectolitres. La guerre du Golfe. Ah oui. Alors voilà. Et donc, Maurice a cette photo et il doit essayer de vous faire trouver ce qu'il y a dessus. Ah. Il n'a bien sûr pas le droit de prononcer un mot qui compose cette photo mystère. Et il a également un mot interdit qui pourrait vous faire trouver facilement. Donc là aussi, il n'a pas le droit de le dire non plus. Comme le nom, par exemple. Voilà. Le nom. Ah non, le nom, il n'a pas le droit. Voilà. Donc, il donne des infos très importantes par coup de 10 secondes. Très importantes. Ah non, capital. Par coup de 10 secondes. Capital de qui? Du Koweït. Ah bah, pardon. Et on commence par son équipe, donc Bob. Ah oui. Bien sûr, c'est Maurice qui déclenche... C'est pas un peu déséquilibré? Un contre trois? Pas du tout. Bob? Pas du tout. Moi, je joue à un contre cinq. Ah oui. Non, parce que je Puisque Maurice est avec vous. Je te rappelle que la semaine dernière, tu l'as trouvé. C'est vrai. Donc. Et c'est par coup de 10 secondes? Voilà, il donne 10 secondes d'infos d'abord à Bob. D'accord. Alors, c'est lui qui déclenche le chrono pour éviter qu'il y ait trop de temps de perdu. Ah oui. Stop. Mais non, arrêtez de limiter en région, on envoie le chrono. Alors, allez, stop. Ça peut devenir d'une fusion. On peut le trouver sur des vides-greniers. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste? Il est confiant. Non, il a failli se suicider la semaine dernière. Non, Maurice. Du mâche-fer. Non. Mâche-fer. Non. Alors là elle m'impasse. Bon, donc... J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ah ben, c'est le résidu. Quand tu brûles du charbon. Ah ben, c'est Maurice. Voilà. Quand tu brûles du charbon, ce qui reste, c'est du mâche-fer. D'accord. Donc c'est non, c'est pas ça. C'est voilà. Pas des cendres. Donc attention, 10 secondes pour l'équipe des pas frais. Stop. On peut le trouver dans un laboratoire. On le trouve dans un laboratoire. C'est transparent. Une éprouvette. Non. Ah, voilà, ils ont donné une réponse. Ah non, c'est pas l'éprouvette. Ah, non. D'accord. Non, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Non. Stop. Ça a différentes hauteurs. Peut contenir du liquide. Là, c'est fini, là. Il n'y a plus de pile. T'en as eu assez, là. Il m'en a mis trois gouttes. Voilà. En bas de toute façon. Ah, il a quand même été ce soir. Réfléchi à tout ce qu'il t'a dit jusqu'à présent. Creuset en Pyrex. Creuset en Pyrex. Non. Ah. Non. Attention pour 10 secondes, Maurice. L'équipe départ frais. Stop. Le milieu médical s'en sert. Ça sert pour des analyses aussi. Ah oui. Pour des expériences. Oui. Ça sert d'une fusion. Moi, c'est l'histoire de la fusion. Et puis la brocante. Ah, et dans un vide grenier. Ah non, attention, il n'a jamais parlé de brocante. Un vide grenier. Ah non, un vide grenier. Oui. Ah oui. Oh, bah, vide grenier, brocante, c'est un synonyme. Hein. Oui. Tu pensais à une seringue, mais qu'est-ce qu'une seringue viendrait foutre dans un vide grenier? Dans une salle de shoot, éventuellement. Tout dépend où se situe le vide-grenier. Ah, ils vont faire ça dans les vides-greniers, les... Bon, alors vous donnez une réponse. Une réponse quand même. Ben, Isabelle Aubray. La taille, peut-être. Bon, stop. Il a dit ça à plusieurs auteurs. La taille d'environ 20 centimètres, 30 centimètres. Oh, prétentieux. 30 centimètres. En 10 secondes, il a réussi à me dire 30 centimètres. Et si tu lui laisses 10 secondes de plus, il te les met. Faudrait-il encore que je sois d'accord. Oh non, mais c'est ça, pas possible. C'est pas prêt. Ah non, mais c'est pas possible. Alors, ça fait environ 30 centimètres. Ah ouais, alors je pensais à la boîte de Pétri, mais c'est pas ça non plus. Bon, donne ta réponse, parce que là, on le tente. Ah ben là, je boîte sais de pas, Julie Pietri, 30 centimètres, c'est en verre, un sous de plat. En verre, il a dit que c'était. Ah bah oui, il a dit que c'était transparent. Hein, ah ben c'est pas ça. Ah oui, c'est peut-être en plastique. Il a pas dit encore. Ah, il a pas dit encore. Parce que c'est issu d'une fusion. Il a pas dit en quoi c'était fait. Alors, stop. Stop. C'est en verre. Ça commence par la lettre F. Il a le droit de dire ça. Ah oui, il a le droit. Ah ça, il a le droit. Ah oui. Mais pourquoi il ne le dit pas pour toi? Oui, c'est ça que je m'étonne. Pourquoi tu me le dis pas à moi, ça? Eh, parce que tu m'as dit que... Moi, j'ai droit à... Ça fait 20... 30 centimètres. C'est ça que j'ai droit, moi. Exactement. Je demande à Philippe, est-ce que ça a un rapport avec Maurice? C'est pas une fiotte? Une viole, pardon. Oui. Une 30 centimètres. T'as une fiole de 30 centimètres, il y en a dans le marais, il y en a plein. Eh bien, une bonne réponse de Maurice. Ah non, de Fred, oui, à un point. Tu vois, quand je te disais que vous jouez bien à 4 contre 1. Alors attends, tout n'est pas fini. Il nous manque le mot interdit, le mot que Maurice n'avait absolument pas le droit de prononcer. Est-ce que vous avez une idée, Patrick? Alors, pas du, qu'il avait, il y avait un mot qu'il n'avait pas le droit de prononcer, parce qu'on estimait que ce mot allait vous faire trouver le mot fiole tout de suite. Flacon tube. Ou tube. Tube. Vous propose, alors, il faut une réponse. Exactement. Oui, vas-y. Tu lances ton tube. Vas-y, Patrick. Eh ben ouais, un tube. Ouais. Non. Oh, quel con, Patrick. Tu l'as dit tout à l'heure. Éprouvette. Non. Pipette. Non. Pipeuse. C'était quoi? Vase. Ouais. Oui. Oui, vase. Un vase, oui. Ouais. Pourquoi t'as pas de fleurs? Bon, bah écoutez, un point de marqué quand même. Hein. Il y avait bon, ça et antilope. C'était les deux mots qu'il n'avait pas le droit de dire. Voilà. Alors, dans. Ouais, quel... Je vous ai quand même donné des indications. Ah oui. Non, laboratoire. Alors, oui, non, c'est vrai. Alors, juste comme ça, mais en aparté. Oui, oui, oui, vas-y. Il y en a de 2 cm. Et il y en a de 50 cm. Mais je t'ai dit 30, moi. C'était la moyenne. C'était la moyenne. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, par exemple, t'aurais pu dire que c'était rond sur évasé. Le socle, évasé, puis que ça remontait. Que ça... Non, évasé, il avait pas le droit. Bon, allez, dans quelques instants, on va rattraper le coup. Frédéric va nous le non, sortir. C'est pas rattrapable. Ah, oui. Tu le sors, Frédéric. Ah, bah, je vais le sortir. Comme chaque semaine. Hein. Ah, bah oui. Patrick Després. Ah, bah oui, je vais faire de la place. Je vais faire de la place. On va faire de la place, alors. Restez avec nous. Si vous aimez le risque, on revient avec Patrick Chaufret. Ouais. Retour dans Basse-Marais avec Patrick Chanfray, qui ne recule devant aucun sacrifice et qui accepte donc de supporter Frédéric Coster ici présent, qui en fin d'émission chaque semaine... Il m'a supporté dans les loges... Nous le sort. Souvent. Ah oui. Alors, c'est mon cher petites. Maurice, quelle différence qu'y a-t-il? Ah. Maurice, tu m'écoutes? Oui. Ah oui. Eurostar. L'Eurostar, c'est quoi? C'est un train. Eh bien, nous allons faire un quiz sur les trains. Ah, les 9 interprètes, enfin, il y a plus que 9 interprètes, ils sont 10, mais il y a 9 extraits que nous allons écouter. Ils sont 11 même, il y a 9 extraits. Parle de train, enfin, chante ou parle de train, il faut reconnaître qui c'est. Quoi, voilà. Moi, je sais ce que tu vas avoir pour Noël. Un train. Non, un livre sur les trains. Ah, d'accord. Voilà. Ou mon poing sur la gueule. Aussi. À la limite, je préférerais même. Ou un jingle. Ah, un nouveau jingle. Alors ça, c'est ce qu'on entend tout au début. Voilà. Allez, vous notez et on revient après. Et j'entends siffler le train le train, que c'est triste la train qui siffle dans le soir. Quelle chance, ah, le beau voyage, quelle chance, vive le train des vacances. N'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent, couchent en même temps? Qui fissent? Oui, qui fissent. Et puis quand on a envie de fisser, faut pas se priver. Alors il y en a un qui part à minuit 12 qui fisse. Oui. Qui arrive à Pau à 7h59. Faire gentiment les choses sans se presser au rythme du train qui démarre. Trains and boats and planes are passing by. They mean a trip to Paris or Rome for someone else, but not for me. The trains and the boats and planes. Quand elle ouvre le tiroir des rasoirs ou la petite porte des flacons, elle y pense chaque fois que le train siffle, chaque fois qu'elle essaie d'aller moins mal. Vous avez posé vos bagages, marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Ah, ah, ah, ah. Alors. Alors, Patrick, tu en as trouvé combien? Alors, j'en ai trouvé. Enfin, tu penses en avoir trouvé combien? Je pense en avoir trouvé 7. Oh là là, c'est excellent. Moi, j'en ai 11. Moi. Le comme, premier. Ah oui, non, Maurice. Faut oui. On va faire comme Maurice. Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Je me décompose. Allez, on le décompose, Bob, le tout premier. C'est le jingle. Allez, c'est le jingle. Alors Patrick, on t'écoute. Richard Anthony. Oui. Ah. Qui joue maintenant toutes les semaines au ministère des Finances, au ministère des Impôts. Je crois que t'as pas trouvé le 2, Patrick. Et non, je n'ai. Alors, quelqu'un? Oui. C'est Dorothée. C'est oui, c'est Dorothée, oh, l'ami des enfants et des alcoolos. Rita Mitsuko. Eh oui, hey, bravo Patrick. Bravo. Merci. Comment elle s'appelait la fille de Rita Mitsuko? Catherine Ringer. Catherine. Vous n'auriez pas par hasard des trains de nuit qui fissent. Oui. Ah là voilà. Qui fissent. Oui, les qui idoles de Philippe. Oui. Oui. Moi j'ai trouvé la Spalès. Je ne sais pas qui c'est. Alors, Chevalier. Ah, voilà, c'est ça. Qui fisse. Oui. Qui arrive à fisse, Pau à 7h59. Patrick. J'ai dit Maxime Le Forestier. Pas du tout. Ah, ah oui, c'est idée, là que je me suis trompé de ligne. Je ne sais pas, reconnais pas, non. Bah alors. Je ne l'ai pas reconnu, non. Michael Delpech. Ah oui, c'est Delpech. Ah, ah oui. Michel Delpech. Delpech. Ah oui. Ça, le titre de la chanson, c'est L'amour en wagon-lit. Ah. Extrait suivant. Oui. Ah. Bon, ça, c'est la copie d'Afred. Quel bel extrait. Mais Patrick va nous dire son nom. Patrick. Alors, longtemps, j'ai cru que c'était Chimène Badi. Oui. J'ai longtemps. Et il me pourrit sur Facebook. C'est un truc, c'est une bouteille, tu dévisses, tu tires et ça sent bon. Ah, John ah bah, c'est pas ton Wick. Slip. Hein. John Warwick. Ah oui, moi, ce que j'aime bien, c'est Erwick. Comment tu l'appelles, Bob, déjà? John. Voilà. John Erwick. John Erwick, oui. Ça énerve, Fred. Non, pas du tout. Il s'en fout. Ouvre le tiroir. Ou la petite porte des flacons, elle y pense. Ah là, je me suis trompé encore. Moi aussi. Moi, j'ai mis canadienne. Oui, c'est une québécoise. Elle est quelqu'un avec Laurent Gérard. Linda Lemay. Oui, c'est ça. Linda Lemay. Linda Lemay, bravo Fabrice. Ah, oui, Linda Lemay, oui. Bon, ça. Alors, moi, j'ai François Zardine. Mis... Ouais, voilà. Et Jacques Dutronc. Et Jacques Dutronc. Enfin, si peu. Oui. Ah, avant aussi. Bah, d'ailleurs, Eurostar, elle est partie à Londres, elle, la pauvre. Ah oui. Elle avait dit que si Hollande passait, elle serait ruinée. Ah oui, c'est vrai. Et celle-là? Et celle-là, je crois qu'il y a... Tu l'as? Tu non, l'as je pas. Il y a Philippe qui est là. Ah, moi, je l'ai trouvé. Ah, oh, bah oui. Oh, Karen Cheryl. Ah, hey. Ah oui, d'accord. Bravo. Elle n'est pas morte? Bah non, elle est tous les jours sur... Europe 1. Ah oui, ça, Bob. Et ça, Bob. Alors moi, je pense quand même. Ça, c'est le jingle. Bien. Moi, je pense quand même que Patrick Chanfray a été brillant. Ah oui, sur très ce brillant. Quiz et qu'il mérite les applaudissements. Laissez. Du public. Bravo, bravo, merci. Bravo, Patrick. Bravo à vous. Bravo à vous. Bravo, bravo Patrick. Excellent, c'est Patrick Chanfray. Bravo, Patrick. Tu veux. Excellent. Hey, un, oh, comment, hey, un, oh, ton nom un, sur le mur. Hey, ta gueule, le vieux. Oh, comment, hey, mes acclamations. Ah, j'ai oublié les Patrick, acclamations de Patrick. Don Saluste. Ah oui, mais... alias Frédéric Coster. Ah, quand même. Viva Don Saluste. Oui. Viva Don Saluste. Non, c'est pas trop. Mec. Dis donc, hey, dis donc. Oui. Elle m'acclamait pas la mémé à moustache là-bas. Ah, mais je crois que si, pourtant. Alors, il est temps de faire les totos. Ah. Ah. Alors, c'est Toto qui est à l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben écoutez, je dois vous annoncer qu'il y a une équipe qui a gagné. À 10 à 9, ce qui est quand même pas mal. C'est hein, bien, ouais. C'est, ils ont marqué des points. Ouais. C'est quand même pas mal du tout, puisque micro, ben, c'est bien. L'équipe des Racis qui a gagné. C'est pas possible. C'est honteux. Avec Patrick, un point d'avance. La poisse. C'est honteux. Bob et Maurice remportent la victoire. Un contre quatre. C'est pas facile. Hein. Mais t'adores ça. Non, c'est bon, vrai que, alors. C'est vrai que Bob oui. partait avec un handicap. Avec alors, Maurice, pardon. Mon cher Patrick, avec malheureusement. Malheureusement, bah, nous on va aller te voir en spectacle, mais Fred ne viendra vous. Plus te voir puisque tu l'as ridiculisé. Je suis navré. Que Patrick a, que Fred a horreur de perdre. Ah oui. Il déteste perdre. Ah oui. Donc moi je propose qu'on vienne te voir, Patrick, tous les soirs pendant le Festival d'Avignon au théâtre Le Palace à 20h45. Hein il faut venez ricaner. Bob a noté hein parce mais que. Mais j'ai noté hein. Non, c'est bon donc alors. Donc on va venir. Hein. Puis bientôt partout en France dans toutes les salles. Qui exactement. Vont exactement. Voilà. Merci Patrick Chanfray. Merci à vous. Bravo. Merci à Maurice. Ah, merci à vous. Bravo. À Bob du club. À la semaine prochaine, les filles. À Frédéric Coster. Mes chers amis, je vous dis à très bientôt. J'ai été ravi de faire cette émission avec vous tout au long de ces années. Oui. Ah, puis non, il faut que tu reviennes pour gagner. Là. Non. Oui. Non, je reviens pas devant des tricheurs. Comme ça. Merci à Fabrice. Salut. Ah. Oh. À Davy pour la réalisation. Ah. Une émission présentée par... Marthe Mercadier. Mais non, elle est morte. Mais non, elle n'est pas morte. À l'heure où nous enregistrons, elle n'est pas morte. Exactement, c'est d'une question de minutes. Des choses importantes à vous dire. Il faut retrouver l'émission sur Internet. www.onvasemarrer.com, ça c'est les anciennes émissions. Oui. Le podcast, c'est sur la page Facebook. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission aussi sur onvasemarrer.com, mais surtout sur iTunes et la page Facebook pour la photo. Oui. Et puis si vous avez tout noté, bah, c'est vous serez là la semaine prochaine. Voilà. Même punition, même peine. Ouais.